إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن الدنيا دار عمل وابتلاء، لا يسلم العبد فيها من سقم يكدر صفوة حياته، ولا من مرض يضعف قوته وحاله. وقد يكون في البلاء نعمة، وفي المرض والشدة بشرى، وربك يرحم بالبلاء ويبتلي بالنعمة. وشدة المؤمن في هذه الدنيا عين لذته وراحته يوم القيامة، والبلاء عنوان محبة الله والطريق إلى جنته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على قدر دينه، فإن يكن في دينه صلابة شدد عليه، وإلا خفف عنه. رواه الإمام الترمذي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. أيها المسلمون، في بلاء المؤمن رفعة لدرجاته وحط لخطاياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب العبد من هم مرض فما دون ذلك إلا حط الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. رواه البخاري ومسلم. وفي البلاء قوة الإيمان والتوكل على الله، وتعلق الأمل بالله. ويكتب للمريض ما كان يعمله في صحته، لأنه بنيته ينوي الخير، وذلك من فضل الله. وفي المرض إذهاب الداء الدفين في النفوس من الكبر والعجب والاغترار والغفلة، فيعرف ضعفه وعجزه، ويتذكر قول الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. Chers musulmans et musulmanes, sachez que cette vie d'ici-bas est une vie d'épreuve. Le serviteur, ou la plupart des serviteurs, ne sont pas épargnés d'une maladie qui les frappe dans leur vie. Ils ne sont pas épargnés d'une maladie qui les affaiblisse, qui affaiblisse leur corps et leur situation. Et il se peut qu'il y ait dans cette épreuve un bienfait, et que cette maladie et ce mal soit en réalité une bonne nouvelle. Et ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, fait miséricorde à travers les épreuves. Allah Azza wa Jal éprouve par les bienfaits, et la mauvaise situation que pourrait traverser le croyant dans cette vie d'ici-bas sera ce qu'il savourera, et ce sera pour lui une tranquillité et une quiétude le jour du jugement. Sachez que l'épreuve est l'emblème de l'amour d'Allah Azza wa Jal, et l'emblème de ceux qui empruntent le chemin du paradis. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis les saints, et ainsi de suite. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: le serviteur est éprouvé selon son degré dans la religion. S'il est ferme et fort dans sa religion, alors son épreuve sera plus dure. Par contre, s'il n'est pas ainsi, son épreuve sera diminuée. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: l'immense récompense va de pair avec l'immense épreuve. Et lorsqu'Allah aime un peuple, il les éprouve. Celui qui accepte cette épreuve d'Allah, a lui la satisfaction d'Allah. Quant à celui qui est mécontent de cette épreuve, alors il aura le mécontentement d'Allah Azza wa Jal. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que le croyant qui est éprouvé, cela l'élève dans ses degrés et cela lui pardonne ses péchés. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un malaise qui touche un serviteur, que ce soit une maladie ou autre, sans qu'Allah Azza wa Jal ne lui efface ses péchés comme l'arbre fait tomber ses feuilles. Dans l'épreuve et dans la maladie, la foi se renforce. Le malade place sa confiance en Allah Azza wa Jal et s'attache à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ce que ce malade avait l'habitude d'accomplir lorsqu'il était en bonne santé, les récompenses de ses adorations lui seront comptées comme s'il était en bonne santé. Et ceci fait partie des bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur lui. Le fait d'être malade permet de nettoyer son cœur et son corps des maladies internes. La maladie de l'orgueil, la maladie de l'insouciance, la maladie de celui qui est dupé par sa propre personne. Car lorsqu'il est malade, il connaît la réalité de sa faiblesse et il connaît la réalité de son incapacité. Et il se rappelle sans cesse la parole d'Allah Azza wa Jal. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. L'être humain a certes été créé en étant faible. إِنَّ الْعَافِيَةَ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَأَجْزَلِ عَطَايَاهُ لَكَ. هذه نعمة العافية نعمة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وسيسأل العبد يوم القيامة عن النعيم الذي ناله في الدنيا، يقال له: ألم نصحح جسمك؟ أيها المسلمون، وسلب تلك العافية أو اعتلالها يورث ذلك كثرة الدعاء وعظيم التضرع بين يدي الله عز وجل. إذا كنت على يقين أن الله أرحم بك من نفسك وأرحم بك من أمك الشفيقة عليك، بأن قضاء الله عز وجل كله عدل، فعليك بالصبر ثم تخلق بالرضا عن الله لتكون من السعداء. إذا ابتليت بمرض فاصبر والجأ إلى الله، واعلم أن الأسباب كلها لا تؤثر إلا بإذن الله، فمع تعاطيك للأسباب فلتكن ثقتك بالله ورجاؤك في الله وأملك معلقا بالله، وتعلم أن الأمر بيد الله. قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. فالشفاء بيد الله، والأسباب التي نتعاطاها إنما هي أسباب خاضعة لإرادة الله جل وعلا، لكن يكون متعلقنا بالله وثقتنا بالله وآمالنا في الله. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que la bonne santé fait partie des meilleurs bienfaits d'Allah Azza wa Jal après le bienfait de l'islam. Et c'est l'un des biens les plus précieux qu'Allah Azza wa Jal t'a accordé. Cette bonne santé est un immense bienfait. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: deux bienfaits envers lesquels les gens sont insouciants et indifférents, la bonne santé et le temps libre. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Et sachez que le serviteur d'Allah sera questionné sur chacun des bienfaits dont il jouissait, et notamment le bienfait de la santé. Il lui sera dit: ne t'avions-nous donc pas donné une bonne santé? Comment quel usage en as-tu fait dans l'adoration et dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal? Puis sachez que le fait que cette bonne santé soit levée, que cette bonne santé soit altérée par une quelconque maladie, cela amène le serviteur d'Allah à beaucoup invoquer son Seigneur et à faire preuve de modestie et d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Chers musulmans et musulmanes, lorsque tu as la certitude qu'Allah Azza wa Jal est plus miséricordieux envers toi que tu ne l'es envers toi-même, lorsque tu as cette certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers toi que ta mère ne l'est, qu'une mère ne l'est envers son fils chéri, tu as donc la certitude que les décrets d'Allah sont tous justice. Tu te dois donc de faire preuve de patience et de faire suivre cette patience par la satisfaction de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné afin que tu puisses faire partie des gens qui connaîtront une vie joyeuse dans cette vie d'ici-bas. Lorsque tu es donc atteint d'une maladie, patiente et remets-toi envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala et sache que l'ensemble des causes n'ont d'effet qu'après la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la cause que tu mets en œuvre pour guérir de ta maladie, place ta confiance en Allah, place ton espérance en Allah et que ton cœur soit attaché à son Seigneur subhanahu wa ta'ala et sache que toutes les situations sont dans les mains d'Allah azza wa jal. Ibrahim alayhi salam dit « Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. » La guérison est donc entre les mains d'Allah et les causes que tu mets en œuvre ne sont que des causes qui se soumettent à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. احذر أيها المريض أن تكون في شدتك مطيعا وفي رخائك عاصيا متمردا وأعظم من ذلك من يعصي الله تعالى في شدته ورخائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. رواه الترمذي. أكثر أيها المريض من ذكر الله عز وجل والثناء عليه واعلم أن الله أرحم بك من نفسك. ابتلاك ليطهرك من الخطايا، ابتلاك ليرفع درجاتك، ابتلاك لتكون مقبلا عليه منيبا إليه راجعا إليه عالما أن النفع والضر بيده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أيها المريض اتق الله في كل أحوالك واتق الله في كل أعمالك وراقب الله عز وجل في كل تصرفاتك هكذا يكون المؤمن حقا. Prends garde, ô toi le malade, prends garde à ne pas être obéissant à Allah Azza wa Jal que lorsque tu es dans la peine et la maladie, puis lorsque l'aisance et la facilité reviennent, te voilà redevenu un désobéissant à Allah Azza wa Jal. Et pire encore, celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal, qu'il soit malade ou en bonne santé, il dit sallallahu alayhi wa sallam, reconnais Allah dans l'aisance, il te reconnaîtra dans la difficulté. Ô toi le malade, évoque beaucoup le nom de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Fais l'éloge d'Allah azza wa jal. Et sache qu'Allah azza wa jal est plus miséricordieux envers toi que tu ne l'es envers toi-même. Allah azza wa jal t'a éprouvé afin de te purifier tes péchés. Allah azza wa jal t'a éprouvé afin de t'élever en degré. Allah Azza wa Jal t'a éprouvé afin que tu te tournes vers lui, que tu retournes repentant vers lui, afin que tu saches que le bien et le mal sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal, et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est lui qui est l'omnipotent subhanahu wa ta'ala. Ayyuha al-muslim, إذا ابتليت بمرض لا سمح الله فاعلم أنه لا بد من أداء الصلاة ولا تسقط عنك هذه الفريضة بشروطها ما دمت قادرا على الأداء وربك جل وعلا قد يسر لك الأمور يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فاحمد الله على تيسير هذه الشريعة مرضك لا يسقط عنك الصلاة ولا يسقط عنك الطهارة لها فالطهارة للصلاة شرط لصحة الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه البخاري ومسلم ويقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بلا طهور إذن أيها المسلم المريض عندما تبتلى بالمرض فلا بد من طهارة قبل الصلاة تطهر بالماء فإن عجزت عن الماء لمرضك بأن كان الماء يزيد المرض مرضا أو يؤخر البرأة أو كان هذا الماء يؤثر على عضو من أعضائك فتيمم إما بدلا عن البدن إما بدلا عن كل البدن أو تيمم عن العضو الذي لا تستطيع أن تمر الماء عليه فإن كان عليه جبيرة قد لف بلفافة فإن مسحك عليها قائم مقام غسل العضو بمنزلة الخفين وأمر آخر لا بد من الطهارة فإن عجزت عن استعمال الماء أو كان الماء يزيد المرض أو يؤخر البرأة فتيمم والتيمم بالتراب ضربة واحدة تمسح بها وجهك ويديك بعضها مع بعض أو كنت لا تجد من يقرب لك الماء أو ليس عندك من يخدمك ولا من يقرب لك الماء فإن الله عز وجل قد عذرك ويسر لك التيمم ليقوم مقام الماء أيها المريض قد تشكو أحيانا من نجاسة ملابسك ونجاسة الفراش الذي أنت عليه فنقول إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة مع الإمكان وإذا تعذر الأمر عليك وتعذر تغيير ملابسك وتعذر تغيير فراشك واستحال ذلك عليك فإن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم وإذا ابتليت بسلس بول أو بنزيف دم من بعض الجروح أو بريح يتكرر خروجها في كل وقت فإنك تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتقرأ القرآن حتى يأتي الوقت الآخر تيسيرا من الله عز وجل وتسهيلا. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, et sache, ô toi le musulman malade, que ta maladie ne t'exempte pas de faire la prière. Et la maladie ne t'exempte pas de la pureté qui est une condition pour la validité de la prière. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'accepte la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il est impur jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'accepte aucune prière sans purification. Lorsque tu es malade, chers musulmans et musulmanes, tu te dois de faire tes ablutions avant ta prière. Et tu te dois d'utiliser l'eau. Si tu es incapable d'utiliser l'eau à cause de ta maladie, ou si l'utilisation de l'eau fait accroître ta maladie, ou si l'utilisation de l'eau retarde ta guérison, ou si l'utilisation de l'eau peut porter atteinte à l'un des membres de ton corps, alors fais le tayammum, l'ablution sèche. Soit tu fais l'ablution sèche en remplacement de l'ensemble de l'ablution des membres de ton corps, ou alors, lorsque il n'y a qu'un membre de ton corps sur lequel tu ne peux pas passer l'eau, alors passe l'eau sur les autres membres de ton corps que tu peux et fais le tayammum pour le membre de ton corps que tu n'as pas pu recouvrir d'eau. Et si tu portes un plâtre, eh bien, le fait de passer ta main mouillée sur celui-ci remplacera le fait de le laver. Une autre chose, le malade se doit obligatoirement de se purifier. S'il ne peut pas se purifier pour les raisons que l'on a citées précédemment, alors il doit avoir recours au tayammum, à l'ablution sèche. Et l'ablution sèche consiste à frapper ses deux mains à même le sol, puis d'essuyer son visage et ses mains. Et s'il ne peut pas poser ses mains à même le sol, alors qu'il les pose sur des choses qui ont été extraites de la terre, comme des pierres ou des morceaux de terre ou autres. De même, lorsque tu ne trouves pas des personnes qui puissent t'apporter de l'eau, ou lorsque tu n'as pas en ta compagnie des personnes qui pourraient t'aider, si tu n'as pas la possibilité de te déplacer, de t'apporter de l'eau, alors dans ce cas, il t'est autorisé également de faire usage du tayammum. Certains malades peuvent se plaindre parfois d'impureté dans leurs vêtements ou d'impureté sur le lit sur lequel ils se reposent. Nous disons que enlever l'impureté est une condition de la prière lorsque cela est possible. Quant au malade qui ne peut ôter cette impureté qu'il y a dans ses vêtements ou lorsqu'il est incapable de changer ses vêtements ou de changer les draps de son lit tachés d'impureté, alors dans ce cas, il lui est autorisé de faire la prière dans cet état. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et craignez Allah autant que vous le pouvez ». Lorsque tu es éprouvé, chers musulmans et musulmanes, par une incontinence urinaire ou lorsque tu es éprouvé par un écoulement de sang perpétuel dû à une blessure ou autre, ou lorsque tu es atteint d'une maladie qui fait que tu as sans cesse des gaz qui s'échappent de ton corps, alors dans ce cas, tu te dois de faire les ablutions avant chaque prière. Et il t'est autorisé de prier et de lire le Coran dans cet état jusqu'à ce que vienne la prochaine prière pour que tu renouvelles tes ablutions une nouvelle fois. Et ceci est une facilité de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وَعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا بُدَّ مِنْ أَدَائِهَا كَامِلَةً هَذَا هُوَ الْوَاجِبُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَلَكِنْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَنَّ الْمَرِيضَ يسقط عنه ما يعجز عن أدائه من أركان الصلاة إن كان هذا المريض لا يستطيع أن يصلي قائما صلى قاعدا وأومأ بالركوع والسجود يقرأ الفاتحة ثم يطأطئ رأسه كراكع ثم يطأطئ رأسه كساجد إن كان لا يستطيع أن يصلي جالسا فليصلي وهو مستلقي إن كان يستطيع على جنبه الأيمن ليتجه إلى القبلة فالحمد لله وإن عجز عنها صلى على حاله يصلي إلى جهة القبلة أو رجلاه إلى القبلة فإن تعذر الأمر عليه أو كان وضع سريره على خلاف ذلك فكلها تسقط عنه ويصلي على قدر حاله واعلم أنه مدام العقل حاضرا فلا بد من الصلاة وإن عجزت عن أداء كل فرض في وقته أو كنت أحيانا تتوضأ لفرض ولا تستطيع الوضوء لكل فرض جاز لك أن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء على قدر ما يناسبك إن كان التقديم أنسب جمعت تقديما وإن كان التأخير أنسب جمعت التأخير وكل هذا من تيسير الله عز وجل على هذه الأمة. Sache, chers musulmans et musulmanes, ô toi, le musulman malade, sache que tu te dois également d'accomplir la prière en respectant l'ensemble de ses obligations et de ses piliers. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, priez comme vous m'avez vu prier. Mais la miséricorde d'Allah azawajal est telle que le malade n'est pas obligé de faire ce qu'il n'a pas la possibilité de faire parmi les piliers et les obligations de la prière. Comme celui qui est malade et qui ne peut pas prier debout alors qu'il prie assis et qu'il fasse des mouvements de sa tête en guise d'inclinaison et de prosternation. Il lit sourate al-Fatiha et les autres sourates, puis il fait un mouvement de sa tête comme faisant l'inclinaison, puis un mouvement de sa tête comme faisant la prosternation. Et s'il ne peut pas prier assis, alors qu'il prie allongé, s'il a la possibilité de se coucher sur son côté droit et se diriger en direction de la Qibla, alors c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais si son état ne lui permet pas, alors il prie allongé comme cela lui est possible. Et s'il peut se diriger vers la Qibla, ou au pire, diriger ses pieds vers la Qibla, alors qu'il le fasse. Et si son lit n'est pas dirigé en direction de la Qibla, et qu'il n'a pas la possibilité de l'orienter vers la bonne direction, alors il peut prier dans cet état. Et ceci est une facilité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sache, cher musulman malade, que tant que tu as la raison, tu te dois d'accomplir tes prières. Et si tu n'as pas la possibilité d'accomplir chaque prière obligatoire à son heure, lorsque tu as la possibilité de faire tes ablutions pour une prière, mais que tu n'as plus la capacité de les faire pour une autre, il t'est autorisé alors de rassembler entre les prières. Il t'est autorisé de rassembler entre la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr, entre la prière de l'Maghrib et la prière de l'Isha, selon ce qui te convient. Soit il est à ta convenance de prier l'heure de Dhuhr et l'heure de l'Asr à l'heure de Dhuhr, ou si le mieux pour toi est de prier l'heure de Dhuhr à l'heure de l'Asr, cela t'est autorisé. Et tout ceci fait partie de la facilité qu'Allah Azza wa Jal a légiféré à cette communauté. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala abna'il muslimin. Albirru bi abaihim wa ummahatihim. ولا سيما عند مرضهم وثقلهم وقلة حركتهم فليتقرب الأبناء إلى الله عز وجل ببر الأبوين والإحسان إليهما عند كبرهما وضعف قوتهما وانهيار صحتهما واحتياجهما إليك وتذكر أمك أيام طفولتك تزيل تزيل عنك الأذى وتغسلك تفعل معك أفعالا لو عدت ثانيا لعرفت فضلها وقدرها وكم للأب من محاسن عليك. فعند مرض الأبوين لا ينبغي للأبناء والبنات التجاهل والجفاء والإعراض والصدود والانشغال بأي عذر من الأعذار، وقد لا يكون هذا العذر مقبولا، فعليهم أن يتقربوا إلى الله عز وجل ببر الأمهات والآباء في زمن المرض وضعف القوة، فذاك عين الابتلاء. فالنفوس الأبية والمعادن الطيبة لا يخفى عليها ذلك. تبر بالآباء والأمهات في أثناء الكبر وشدة المرض وضعف القوة، ولا يكلونه إلى أي أحد، بل يرون ذلك شرفا لهم وفضلا لهم وقربة يتقربون بها إلى الله عز وجل. Sachez, chers musulmans et musulmanes, et ce message s'adresse plus particulièrement aux enfants musulmans. Ils se doivent de faire preuve de bonté envers leurs pères et mères, notamment lorsque leurs parents sont atteints de maladies, lorsqu'ils sont vieux et lorsqu'ils ne peuvent plus se déplacer comme auparavant. Que ces enfants se rapprochent d'Allah Azzawajal à travers la bonté et la bienfaisance dont ils feront preuve envers leurs parents lorsqu'ils auront atteint un âge avancé, lorsque leurs forces se seront affaiblies et lorsque leur santé sera touchée par une quelconque maladie. Tu te dois de faire preuve de bonté envers tes parents, chers musulmans et musulmanes, notamment dans les moments de leur vie dans lesquels ils auront le plus besoin de toi. Rappelle-toi donc ta mère lorsque tu étais enfant. Comment ta mère te préservait de tout mal, de quelle façon elle te lavait, de quelle façon elle prenait soin de toi. Et également, ton père a d'énormes droits sur toi et il a énormément œuvré pour ton bien-être et pour que tu puisses grandir de la façon la plus convenable possible. Ainsi, lorsque les parents sont atteints de maladie, il n'est pas permis, ni aux garçons ni aux filles, de faire abstraction de cela, ou de faire comme si de rien n'était, ou de se détourner, wal'iyadu billah, de leurs parents, ou alors d'être préoccupé par autre chose, ou d'être sans cesse à la recherche d'excuses et de prétextes qui, soi-disant, justifierait le fait qu'il ne puisse subvenir aux besoins de ses parents et être à ses côtés. Et ceci peut ne pas être une excuse acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rapprochez-vous donc de votre Seigneur subhanahu wa ta'ala en faisant preuve de bonté et de bienfaisance et en étant au service de vos parents lorsqu'ils seront malades et lorsqu'ils seront faibles, car ceci est l'épreuve même. Et les bonnes âmes, ainsi que les personnes dotées de haute moralité, cela ne les échappe pas. Ils sont bienfaisants envers leurs pères et mères lorsqu'ils ont un âge avancé et lorsque leur maladie s'aggrave. Et en aucun cas, ils ne chargeraient une autre personne qu'eux de s'occuper de leurs parents. Au contraire, les gens dotés de haute moralité considèrent comme un bienfait immense le fait d'être au service de leurs parents durant les derniers moments de leur vie. Cela est pour eux un honneur d'être au service et de subvenir aux besoins de ses parents qui sont en âge avancé ou qui sont atteints d'une maladie grave. Et ils se rapprochent jour après jour de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala à travers cela. Nasallallahu azza wa jal an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, wa nasalluhu azza wa jal an yarzuqana as-sabr.